Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première émission de l'Another Podcast, une émission qui sera consacrée à l'actualité geek, voire... Plus si affinité. Plus si affinité, donc tout ce qui sera film, musique, jeux vidéo, etc. On essaiera de faire un peu le tour de toutes les actualités et faire même quelquefois des petits flashbacks. Ouais. Et pour présenter cette émission, nous sommes trois aujourd'hui, moi-même François, Laurent et Dominique. Je vous propose tout de suite de faire un petit tour au niveau d'une actualité qui a un peu bouleversé ma semaine. Il s'agit du nouveau jeu de Blizzard Hearthstone, un jeu de cartes qui est plus ou moins basé sur le système Magic. Tu m'avais dit, moi j'ai jamais joué à Magic. Moi. Beaucoup, trop. Ça va, on a arrêté vite. Ça reprend les jeux, enfin les systèmes de jeux de cartes basiques, c'est toujours... Toujours plus ou moins le même système, après. Mais apparemment, c'est ce que tu me disais lorsqu'on avait testé à deux, ça reprend tout le système d'invocation de serviteurs, c'est le même. C'est ça, le principe est le même. Chacun des deux adversaires, en général, ça joue un contre un, a un certain nombre de points de vie. Le but, c'est d'éliminer l'autre en lui réduisant ses points de vie à zéro, avec des cartes. Alors là, c'est simple, on a des cartes au départ du jeu, à chaque tour, on a une nouvelle carte, et on a de plus en plus de mana, ou de cristaux, comme ils appellent ça dans Hearthstone, c'est le mana dans Magic, pour invoquer sa carte, ou des créatures, ou des sorts, etc. Et le but, voilà, c'est d'amener l'autre à zéro avant la fin du jeu, il n'y a pas vraiment de temps. Donc on commence avec toujours un minimum de cristaux, on commence avec un... On commence un au premier tour, puis deux, puis trois, à chaque tour, on peut invoquer des cartes de plus en plus puissantes. Donc voilà, plus les tours avancent, soit plus on joue de cartes, soit plus on invoque des cartes. Exactement, c'est le nombre de cartes qui fait les possibilités et le renouveau du jeu qui donne la rejouabilité du jeu. Jamais deux parties, j'ai fait beaucoup de parties, pour l'instant j'ai jamais fait vraiment deux parties pareilles. Ah pareil, j'ai souvent perdu de la même façon, j'ai jamais fait une partie pareille. Ah, c'est ça qui est bien. On a aussi un système de cartes plus ou moins, j'ai envie de dire, à collectionner. Ce qui était un peu le défaut de Magic à l'époque. Le défaut pour certains, c'est parce que les cartes Magic est un jeu où il fallait acheter des... Alors on commençait avec un booster, avec un paquet de cartes de base, puis on achetait des... on commence avec un starter, puis on achetait des boosters de temps en temps qui permettaient d'avoir des cartes plus ou moins rares. Et là, c'était on achetait en argent, en monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit. C'est limite un des jeux les plus onéreux. Le jeu existe toujours après je ne sais pas combien d'années. Ça fait vraiment des... Mais est-ce qu'ils ont changé le système un peu comme Donjons Dragons, jeu de rôle, ils avaient fait plusieurs éditions, est-ce que Magic... Alors, il y a toujours plusieurs éditions, les règles évoluent au fur et à mesure, et c'est ce qui a perdu pas mal de joueurs, mais il y a toujours des nouvelles éditions qui sortent, si je dis pas de bêtises. Enfin, on n'est pas là pour parler Magic, mais... ça fait un petit flashback. Les joueurs investissaient des fortunes dans certaines cartes, et il y a toujours un marché, pour les gens qui vont dans les boutiques de comics ou de jeux de société, il y a toujours des boutiques qui vendent des cartes Magic à l'unité, des cartes très rares, il y a toujours un marché, une cote, etc. C'est ça, vraiment des joueurs qui investissent des fortunes dedans. Pas nous. Ouais. Maintenant, ça a été plus ou moins remplacé par Pokémon. Hearthstone, la différence, c'est que le jeu est gratuit lui-même. Pour l'instant, il est encore en bêta, donc tout le monde n'y a pas accès, mais il sera gratuit à la sortie normalement. Le seul moyen de dépenser de l'argent dedans, c'est pour acheter les fameux paquets de cartes, pour avoir les paquets de cartes dans lesquels il y a 5 cartes. 5 cartes, ça peut être des créatures, ça peut être des sorts, n'importe quoi, dont au moins une est rare. Alors, je ne sais plus exactement la répartition, peut-être que ça changera d'ici là. Mais... Donc, c'est de l'aléatoire, c'est... Absolument. Mais quand je vois l'excitation que j'ai lorsque je peux enfin acheter un paquet, puisque lorsqu'on réalise des quêtes, on gagne un certain nombre de pièces, et au bout de 100 pièces, on peut acheter un paquet qu'on pourrait aussi acheter avec de l'argent avec réel. Des euros. Mais bon, c'est plus dur d'avoir bien sûr un paquet de façon gratuite. Quand je vois l'excitation que j'ai à chaque fois que je peux en acheter un, je me dis à l'époque j'aurais joué à Magic. Mais c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui fait que le jeu est assez addictif. Oui, c'est addictif, c'est le principe des jeux addictifs, quoi. C'est qu'on a réussi à acheter un nouveau paquet, puis on voit le petit signal, on peut cliquer sur le bouton pour ouvrir ses paquets, et le paquet, en plus, comme c'est un jeu vidéo, et chez Blizzard, ils sont très forts pour ça, au niveau de l'interface, c'est un plaisir, quoi. Les cartes s'animent, etc. Enfin, c'est basique, mais moi, j'ai été surpris au niveau de l'interface. C'est très simple. Aussi au niveau des voix, on est toujours des petites voix qui reviennent comme ça. J'aurais bien voulu pouvoir jouer avec le jeu en anglais, moi, j'ai pas poussé plus loin. Là, on a les voix en française, mais bon, chez Blizzard, il n'y a pas de problème, ils ont des moyens au niveau des doubleurs, et puis ils ont beaucoup de, pas choqué. Encore sur des jeux, quelquefois, je baisse la tête, genre, oh mon dieu. Ah, les doublages. Mais c'est la voix de Kellogg's. On fera peut-être une rubrique sur les doublages des jeux vidéo pour qu'on est en train de faire. Mais là, vraiment, l'interface est sympa, puis on a envie de cliquer. Enfin, c'est vraiment très simple, et j'ai hâte de voir les versions sur mobile. Mais au niveau des sons, ils ont surtout pris les sons de Warcraft en général. C'est du même Warcraft. Alors que c'est vraiment basé sur l'univers World of Warcraft, j'ai l'impression. Bah, c'est ça, c'est Warcraft. On retrouve certains personnages, même si on n'a pas joué à Warcraft depuis longtemps, on retrouve les personnages, les visuels, c'est Warcraft, donc ça oui, ils ont beaucoup de matériel pour sur lequel travailler, et on voit qu'ils ont du savoir-faire. Le jeu est en bêta, mais faut être très fort pour trouver des bugs. Quand j'avais commencé, j'ai dû commencer sur la bêta il y a peut-être un peu plus d'un mois, il y avait quelques bugs d'affichage de cartes, des cartes qui restaient affichées à l'écran. Là, je vois plus de bugs. Peut-être des ralentissements, mais c'est tout quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont fait une bêta ouverte sur un jeu qui est quasiment fini. C'est l'habitude, tu vois. Ce qui n'est pas le cas d'autres bêta qu'on aurait pu tester récemment. Effectivement. Ou même les jeux finis, on dit toujours l'impression qu'ils sont pas finis. Vous êtes sûr que vous voulez pas le reprendre en développement 2-3 mois pour être sûr. Et donc, on parlait des classes tout à l'heure. Je me demandais, est-ce qu'on a vraiment toutes les classes de personnages qu'on a dans le jeu World of Warcraft? J'en ai bien l'impression. Il faudra avoir un spécialiste de bon. Donc, ça va du druide au guerrier au voleur. Grut Verg voleur, j'ai pas fait le tour, mais je pense qu'à part peut-être non, les dernières classes ils avaient ajouté le chevalier noir, ou je sais plus le nom exactement, mais tout comme ça. C'est peut-être des classes épiques, mais ça, chaman. Peut-être que ça sous-entend, le jeu n'est même pas encore sorti, on peut imaginer des futures extensions, pas de problème. C'est ils sont aussi très forts à ce niveau-là chez Blizzard. Est-ce qu'il y a une date de sortie prévue déjà? Alors là. Pour l'instant, pas de date de sortie. À mon avis, ça sera courant 2014. Mais pour les quelques chanceux qui ont accès à la bêta, on peut déjà bien s'amuser. Donc si vous avez un compte battle.net, inscrivez-vous aux bêta de tous les jeux. Moi, je me suis inscrit à tous les jeux de chez Blizzard, même si je joue pas au final, c'est toujours plaisant à tester. C'est vrai que Laurent, toi, t'as essayé d'y accéder. J'ai essayé d'y accéder et en fait, j'ai converti mon compte. J'ai vu, si tu vois un tuto, tu peux mettre ton compte en bêta. Mm-hmm. Et de là, tu reçois peut-être un mail ou autre si t'es choisi. Mais étant donné que c'est une bêta ouverte, moi, j'ai rien reçu. Peut-être que ça dépend de ton ancien. Je sais pas comment ils choisissent, comment même la plupart des éditeurs choisissent les candidats pour la bêta. Mais là, c'est vrai que le fait de jouer de temps en temps. Je me souviens plus être inscrit. J'ai lancé Battle.net quand tu m'as dit on peut jouer. En tout cas, là, il était théoriquement en bêta ouverte depuis le 7 janvier. Je pense qu'ils ont retardé un peu. Bientôt la bêta ouverte US. Et donc, non, mais je pense que ça doit être assez facile. Il doit y avoir des vagues d'invitations de temps en temps. Mais on revient sur les cartes. Chaque classe va plus ou moins désigner un style de jeu. Absolument. Il y aura des cartes spécifiques à une classe de personnage. Donc, par exemple, si on prend le guerrier, on aura plus des cartes qui vont affecter l'armure, qui vont faire qu'on sera peut-être plus sur la défensive. Armure, arme. Et qui vont booster des créatures. c'est le guerrier dans toute sa splendeur, hein, bourrin. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on a juste une dizaine de cartes au début, peut-être moins. Et ensuite, on a un set de cartes qui sera neutre, qui sera commun à tous les personnages. Exactement. Et lorsqu'on ouvre des paquets de cartes, donc on va remplir soit certaines classes. On a 5 cartes qui, au hasard, certaines sont pour toutes les classes, certaines sont spécifiques à certaines classes. Et tu peux très bien mélanger des decks, t'es pas obligé Pour l'instant, non, en tout cas. Quand on joue guerrier, on a que ses cartes de guerrier plus toutes les cartes du pool commun. Quand on joue mage, on a que ses cartes de mage, accès à ses cartes de mage plus les cartes du pool commun, etc. On peut pas mélanger, faire un deck, pour l'instant en tout cas, guerrier-mage. Il y a des cartes qui peuvent servir pour tous les decks. Oui, c'est le pool commun. C'est les cartes neutres. D'accord. Mais c'est vrai que alors le guerrier, on l'a dit, il a des bonnes armes, il invoque des armes, des bonnes créatures, il peut booster ses créatures, il peut se protéger un peu, et voilà, on s'en attaque. Le voleur, c'est pareil, c'est beaucoup d'armes, d'attaques sournoises, destruction de créatures, des dégâts directs à l'ennemi, pas de soins. Le guerrier n'a pratiquement pas de soins, le voleur n'a pas de soins. Le mage n'a pas de soins non plus, c'est de dégâts, voilà, c'est de la créature qui augmente les dégâts de ses sorts et des sorts du style boule de feu et je te fais beaucoup plus de dégâts. Je gêne tous les personnages à voilà, PS. Le druide, c'est pas mal de créatures et avec des buffs de créatures et des. J'aime bien jouer avec le druide, moi. Ça fait un peu comme dans World of Warcraft, un peu un système de balance, t'attaques, tu te défends. Moi j'ai choisi le guerrier, bon, alors pour commencer, voilà, et puis je me dis, je vais faire que le guerrier, je vais le monter. Puis en fait, on est très vite envie de tester les autres. Et puis on y est tenté parce que justement, chaque jour, quand on se connecte une fois par jour, on a une nouvelle quête quotidienne qui nous rapporte des points qu'on peut faire. Et une quête, ça peut être par exemple infliger 100 points de dégâts à l'ennemi. Enfin, au joueur ennemi sur plusieurs parties, donc ça va vite, ou tuer autant de créatures, ou alors gagner autant de parties avec le prêtre. Ah, du coup, on se dit, je vais quand même faire un prêtre, au moins pour. On se prend en jeu, puis on teste le prêtre. Ah, en fait, c'est mieux le prêtre, je vais rester sur le prêtre, et puis on teste les autres, et puis ça monte partout, et on gagne des cartes. Mais c'est bien, c'est qu'on peut vraiment créer tous les decks. Et après les remplir, les jouer ou non. Le gros on n'a pas de limite de personnage ni rien. Ça, c'est non, on a, si on a un deck par profession, par classe, mais bon, on a très peu de fait changer les classes. Voilà, on gagne un paquet, on ouvre un paquet, on découvre une super carte rare pour telle classe. Ah, du coup, on refait son deck dans telle classe. C'est souvent le cas. Mais l'avantage, c'est que ça se joue très vite. On peut jouer, on fait une ou deux parties, ça va aller 10 minutes une partie, hein, sauf certains qui peuvent prendre beaucoup de temps si on n'a pas de chance. Et quand le match est très équilibré, ça peut durer un peu plus longtemps, mais franchement, les parties, si elles dépassent 10 minutes, c'est vraiment que c'est pas normal. Maintenant, je me contente de faire, la quête journalière, un ou deux combats. Alors, il y a différents modes de jeu. Le combat d'entraînement, on peut faire des duels contre ses amis en ligne, puisqu'on voit ses amis connectés en ligne, ses amis de Battle.net, on peut les défier en duel et tester des decks. On peut jouer en mode normal, faire des parties libres pour tester un deck. Contre d'autres joueurs, voilà. Qu'elles soient classées ou non classées. Donc, on peut il y pas a choisir. Un classement. Exactement. Alors, on lance la roue, on dit, et puis l'ordinateur, enfin, les serveurs chez Blizzard nous trouvent un joueur à peu près de notre niveau. Bon. Avec adversaire convenable. Adversaire convenable. Comme par hasard, on tombe toujours sur un adversaire convenable. Mais dans la roue, il y a beaucoup d'autres choix. C'est vraiment laissant éclater, c'est un plaisir, quoi. J'en découvre toujours, quoi. On voit la roue qui défile, une espèce de loterie, et on voit des noms qui défilent. Oh, le voisin de la, le petit gamin de la voisine, ou des trucs comme ça. Le mou du genou. J'ai failli jouer contre un développeur. Le développeur de chez Blizzard. Et bon, comme par hasard, on tombe toujours sur le joueur convenable. Hein, bon. Ah. Et on se fait poutrer ou on le poutre, ça dépend, ou c'est très équilibré. Mais c'est très simple à jouer, ça se lance rapidement, on peut faire une partie, on s'arrête, voilà, on fait sa pause café, on fait une partie, on sait qu'on va pas jouer plus de 10 minutes, et puis si jamais on peut abandonner, ça n'a pas de conséquence, c'est pas grave, hein, on gagne. Même quand on perd un combat ou qu'on abandonne, on gagne un petit peu d'XP, ça fait progresser notre perso, ça nous débloque des cartes, et puis le plaisir de jouer. Quoi. Et le dernier mode qu'on n'a pas vu, c'est le mode arène. Ah. Alors celui-là est payant comme si on achetait un paquet de cartes, ouais. Donc il est payant soit avec de l'argent gratuit qu'on trouve dans le jeu, soit en payant avec de la monnaie du jeu qu'on gagne avec des combats, oui. Donc là on a 3 slots de défaite, donc en gros tant qu'on ne perd pas 3 fois, on continue à jouer dans la reine. On a droit à 3 erreurs. On affronte des persos, mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on choisit une classe parmi 3 classes qui sont proposées. Et on va choisir chacune des 30 cartes parmi 3 choix à chaque fois. Mm-hmm. Donc on va avoir 30 fois, on va avoir 3 choix qui vont se proposer à nous. Voilà. Avec des cartes, généralement, il y en a eu une blinde où je me suis dit, je ne l'ai jamais vu celle-là. Oui, parce qu'il faut savoir que le nombre de cartes que les deux joueurs ont, c'est 30. On a 30 cartes. Et quand on compose son deck, on a 30 cartes. Et j'ai remarqué que quand il te propose 3 cartes, elles sont tous les 3 du même rang, de savoir il y en a qui seront rares, il y en a qui seront plus ou moins épiques ou communes. Et à chaque fois qu'ils t'en proposent 3, c'est soit 3 rares, 3 épiques. Alors quand tu vois les 3 épiques, t'en fais j'ai envie de prendre les 3 là. Mais non. Non. Et c'est ça qui est bien, c'est que là c'est comme les cartes et les adversaires qu'on va rencontrer aussi vont pas avoir leurs cartes de leur bibliothèque à eux, on va dire. Chaque fois qu'ils vont entrer dans l'arène, ils vont composer un nouveau deck un peu aléatoirement. Et donc c'est du pur, à part la chance, bien sûr, c'est un jeu de cartes avec des tirages, donc on a toujours la chance joue beaucoup, mais là c'est vraiment du skill, comme on dit en jeu vidéo. Moi j'ai trouvé ça fort sympa, et ce qui me plaît, c'est que justement du fait qu'on va jouer que 10 minutes, ouais. Je me dis que même dans ça tombe dans 2 ans, je vais me dire, tiens, je vais me faire une petite partie, je vais débloquer ma petite carte et tout. Ça suffit, alors que dans d'autres jeux, un peu comme World of Warcraft, j'avais la pression avant de me connecter en me disant, bon, si je joue pas autant de temps, si je tue pas autant de mobs, j'avais plus de c'est un peu de différent parce qu'en plus il y a un abonnement, donc tu essaies de rentabiliser entre parenthèses, mais non, mais là c'est très simple, et puis l'interface est plaisante et tout. On a envie de jouer, enfin ça va encore. Quand on fait une partie, qu'on perd ou qu'on gagne, on a envie de jouer tout de suite, mais bon, ça se limite à ça. Va mais c'est vrai qu'un gros plus sur l'interface, même les musiques sont pas trop prenantes dans le sens où elles montent pas au-dessus des. Ils sont très forts chez Blizzard. Ouais, on fait. Tu veux qu'on parle de Diablo 3? Non, ça va. Ça ira. On va s'en passer. Toujours dans l'univers Warcraft, il y a un film qui a été annoncé et qui est en tournage hier. Alors, en date d'aujourd'hui, ça donne le 21 janvier. Donc hier, nous étions le 21 janvier. C'est le tournage de Warcraft, le film a débuté. Mais avant, peut-être qu'on pourrait faire une petite pause musicale. Oh, mon Dieu. Un album découverte, peut-être ? Un album découverte. Qui c'est qui va expliquer ? Tu expliques le principe d'un album découverte ? Non. Un album découverte. C'est quelque chose qu'on n'entendra pas ailleurs, peut-être. On a sorti du grenier. Ça peut être ou de la poubelle. Ça peut être une définition. C'est quelque chose qu'on a peu de chance d'entendre. La poubelle dans le grenier. Voilà. qu'on a trouvé dans la rue, comme ça. Même dans la rue, ils en veulent pas. On a 3 albums découverts ce soir. On ne sait que choisir. Bah, ça serait plus ou moins en lien avec World of Warcraft, parce qu'il fait pas mal de pubs. Ah, mais c'est vrai, bel enchaînement. Nous sommes donc obligés de passer notre cher album découvert de Mr. T. Et toi, à quoi tu joues? Mr. T, c'est vrai. Il a fait la publicité pour World of Warcraft. Peut-être qu'il va nous faire des pubs pour jouer Hearthstone. Un orc, je crois, et oui, c'est vrai. Ils avaient même sorti des grenades qui changent la tête en Mr. T, c'était un peu du n'importe quoi. Et donc, la fameuse album qui date de 1984. C'est ce qu'on appelle un peu un album éducatif. C'est vrai. J'ai toujours une morale dans les chansons de Mr. T, ou dans tout ce que fait Mr. T d'ailleurs. Là, ce sont les commandements de Mr. T quand même. Mais... Le pire, c'est qu'on les connaît par cœur. C'est pas faux. Depuis 1984, t'as le temps. Mais il fait pas attendre, toujours. Yeah. Une inspiration pour de nombreux groupes de rap. Il les éduque et ensuite il leur apprend la musique. Exactement. Bon, à la première écoute, on dit bon. C'est un peu une chanson à texte aussi. Hein. Enfin, quoi que le rythme est. Non. Mais à la millième écoute, on les. Je crois que ne parle pas aux étrangers, c'est peut-être une de mes préférées. Oh, les étrangers. Aux inconnus. Aux inconnus. C'est vrai. C'est typique de cette époque. Donc, le disco, le début de rap et compagnie. Il y avait des clips avec, non? Oh, ouais, il suffit de taper Mr. T commandement sur YouTube et tout le monde peut trouver ça. Le titre le plus connu c'est Treat Your Mama Right. Tu vois au début un gamin qui s'engueule avec sa mère. Ouais. Mr. T arrive en disant non, c'est pas comme ça qu'on parle à sa maman. Et maintenant il fait des trucs pour World of Warcraft. Il y a toujours une morale dans ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a sur YouTube, il a une rubrique où il répond aux questions des gens, je crois. Mais ça fait pas regarder depuis longtemps, mais il est tendu en fait. Est-ce que tu as déjà posé une question? Non, je crois pas. Oui, pas. Bon, un jour, on fait bien. D'accord, le prochain album ouais. Il y a du travail quand même en studio. Hein. Est-ce que c'est lui qui a travaillé en studio? Non. D'ailleurs, on est en train de danser là. Ça se voit pas. Un artiste multi-talenté. Je me demande s'il n'a pas fait des émissions de TH. Hein. Je me souviens qu'il a fait une entrée en cassant une porte et je pense que c'était sur la émission de. On a du mal à le couper. Ouais, ça fait c'est horrible. Fait. Je me dis, je vais passer 2 minutes. Enfin, on l'inviter. Moi, je demande à quoi. Album entier. Il n'y a que 7 morceaux dans cet album. J'ai l'impression qu'il y en a 70. À force d'écouter 10 fois. Du coup, c'est fermé le premier, on enfile tous. Il aurait un rôle dans le film dont on va parler juste après. Là, je vois pas qu'il aurait dû faire un rôle. Non, je re-regarde encore la liste. Ils ont déjà affiché le casting. Eh ouais, ouais, je l'ai le casting. Et voilà quoi. Alors, je vais regarder l'énoncé, je n'en connais aucun. Heureusement qu'à côté, il marque les films. Dans lesquels ils ont. Ouais. Merci. J'ai même pas pris mon badge Mr. T aujourd'hui. Oh, je viens de trouver un article sur internet. A-t-on envie de revoir Mr. T? Oui. Oui et non. Comment ça, oui et non? Oui. Oui et non. On reprend donc sur le film World of... Non, c'est même pas Warcraft. Oh là là, autant pour moi. Le film qui sera basé sur l'univers de Warcraft. Alors, j'ai vu beaucoup de fans en ligne qui, pour eux, ça serait un film waouh. Il n'y a pas de doute. Hein. Ça sera une Le souci, c'est que les vieux de la vieille qui commençaient avec le Warcraft, même le 1, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont découvert l'univers de Warcraft avec World of Warcraft. Et bon, il y a toujours un problème de génération entre ces deux classes de joueurs, enfin de génération de joueurs. Quoi. Après, il n'y a pas eu autant de joueurs qui ont joué à Warcraft 2 qu'à World of Warcraft. Le 1 et le 2, oui, là, largement. Oui. Apparemment, en 2010, il y aurait eu 12 millions de joueurs qui auraient été abonnés à World of Warcraft. Mmh. Donc s'ils sortent un film, ils peuvent penser, est-ce qu'on aura ces 12 millions qui vont venir? Est-ce que c'est beaucoup, on a que des 12 millions, mais bon... Est-ce que c'est des vues assurées? C'est ça, le problème, c'est qu'un film Warcraft, quel est le public visé? Bah, s'ils se contentent des 12 millions, enfin 12 millions, c'est au même moment, donc on peut imaginer qu'il y en ait eu un peu plus à des moments... sur la totalité de l'apparition du jeu, mais donc je sais pas la communauté des gens qui connaissent Warcraft, mais bon, ils vont amener leur petit frère peut-être ou je ne sais quoi, donc ça peut faire du monde, mais je sais pas quel comme un blockbuster aux États-Unis, quel est le public, le nombre d'entrées qu'il fait, mais j'imagine que c'est un peu plus de question. Si Mr. T en fait la pub, il en a marre des entrées. S'il joue dedans, alors là, c'est fini. Ah ouh là là. Il y a Vandamme aussi qui avait fait une. Vandamme, Chuck Norris, tous les grands quoi. Comment ça, Chuck Norris? Non. Tous les grands. Mon dieu. Tous les grands. Tous les grands. Les artistes, les vrais. Donc apparemment, le tournage, comme je disais tout à l'heure, a commencé hier. Alors, au début, on avait une personne, Sam Raimi, qui était aux commandes. Raimi, c'est pas n'importe qui, quand même. Oh merde, je suis inculte. Oui, mais c'est malin, parce que maintenant, j'ai dit ça, maintenant, il va falloir que j'assure en donnant les noms, mais bien sûr, j'ai un trou. Sam Raimi, c'est super... Bon... Alors, je pourrais citer au hasard Xena la Guerrière, toutes ces séries-là, c'est lui qui a réalisé, mais à la base, il est réalisateur de films d'horreur, peut-être, producteur. Mais oui, c'est lui qui a produit Xena, Hercule et compagnie à la télé, par exemple. Mais Sam Raimi, oui, c'est un grand nom. Merci notre ami Google. Une belle tête, en tout cas. Oui, il est acteur à la base, réalisateur et producteur. Scénariste, producteur. Tu as raison, Xena la Guerrière. Eh oui. Spartacus, Evil Dead en tant que scénariste, co-scénariste. Oui, non, mais c'est un nom, c'est un nom connu. Donc Sam était aux commandes pendant un certain temps et c'est Duncan Jones qui a repris le flambeau. Et voici ce qu'il a donc tweeté hier, qu'il commençait donc le tournage avec un casting qui était annoncé depuis plusieurs semaines, hein, je pense. Bah, de toute façon, c'est vrai que le film, il y avait des rumeurs sur le film de Warcraft depuis peut-être le début de World of Warcraft, quoi. Ça fait vraiment des années qu'on entend parler, et puis là, vraiment, ça se précise. Mais ça fait 4-5 ans que ça devait un peu plus sérieux, et que 1 ou 2 ans qu'on sait que ça soit... que là, c'est vraiment parti, que c'est vraiment sérieux. Parti pour de bon. Au niveau du casting, donc Ben Foster, qui a fait plusieurs apparitions dans The Messenger, X-Men, l'affrontement final, Six Feet Under aussi. Ah, c'est lui ? Apparemment, oui. Travis Fimmel, qui a joué dans Vikings, Paul Patton. Ah oui, le héros de la fameuse série Vikings, dont la deuxième saison n'aurait pas tardé à arriver. Si vous n'avez pas vu cette série, il faut à tout prix la regarder. Vikings, très réaliste, très bien documenté historiquement. C'est quoi, niveau fantastique, ou c'est vraiment C'est les Vikings, ça raconte l'histoire. Alors, le héros principal, donc, qui est joué par le fameux nom que tu vas me répéter. Travis Fimmel. Voilà. C'est un fameux guerrier viking qui emmène toute sa tribu viking à l'exploration des terres un peu plus lointaines. Ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que c'est super documenté sur... on a vraiment l'impression... c'est presque un documentaire sur les vikings de l'époque, quoi. Quand ils se battent, ils ont vraiment les manœuvres on voit toutes les manœuvres de combat, etc. Et c'est vraiment super passionnant. Toutes manœuvres bateau et... Ah oui, mais c'est ça, on apprend tout sur presque comment fabriquer un drakkar ou je ne sais pas, mais presque, mais c'est vraiment passionnant. Et avec tout le côté mystique, les dieux et compagnie, et comment les chefs vikings dirigeaient leur tribu, etc. C'est vraiment passionnant, avec des intrigues intérieures dans une très bonne série. Et la deuxième saison ne devrait pas tarder normalement. Revenons sur Warcraft. Ensuite, Paula Patton, qui est joué dans Mission Impossible, Protocol Fantôme et Itch. Tom Kebbell, alors lui il enchaîne, qui a participé à Prince of Persia. Ah, il est spécialisé dans les films de jeux vidéo, lui, alors. Il a dû faire la barre dans le film Tetris. Le mauvais chat de carrière. Voilà. Ne ferait que des films sur les jeux vidéo. Quoique, ça a l'air de marcher plus ou moins. C'est vrai, ça La colère des titans et l'apprenti sorcier. Et ensuite, Rob Kaczynski, Pacific Rim, True Blood. Et enfin, Dominic Cooper, qu'on a pu voir dans Capitaine America First Avenger, lui finalise actuellement les négociations avec la production. Mais on a hâte de voir dans quel rôle ils vont être distribués. Apparemment, l'histoire serait tourne basée sur la confrontation entre les humains et les orques. Le truc, c'est, ouais, est-ce que ça sera le bien contre le mal? Mais tous les joueurs que jouaient à World of Warcraft savent que on attribue en général le rôle du bien aux humains, aux elfes, aux nains, tous ces petits machins. Et le rôle des méchants à la horde, donc les orques, les trolls et compagnie. Mais bon, quand on joue dans un camp ou l'autre, on a l'impression de jouer le bien contre les autres qui sont les humains. Alors, si par exemple le film s'adresse trop sur le côté les humains sont gentils et les orques sont méchants, peut-être que tous les joueurs, parmi les 12 millions, la moitié des 6 millions qui ont joué le côté, vont peut-être pas aller voir le film parce qu'ils vont être déçus. Donc, comment vont faire les réalisateurs, les scénaristes pour attribuer un rôle à peu près. Surtout que selon l'histoire, on peut. Disons que les orques sont pas forcément les méchants. S'il y a des connaisseurs, Histoire d'amour entre une humaine et un orque. Un truc à la Roméo Juliette, hein, on peut tout imaginer. Non, mais ce serait peut-être, par exemple, les humains qui ont maltraité les orques, et pas le contraire. Ça peut... De toute façon, le background de Warcraft est tellement riche. Il y a tellement d'histoires, c'est tellement fourni que tu t'en sors pas. Ils les ont mis en cage, ils les ont peints en vert. On a hâte de voir les premières images. Parce qu'on a vu une ou deux images lâchées des affiches, mais bon, on voit rien. Une affiche. On voit aguerri en armure avec une épée. Bon, c'est le petit Warcraft. Merci. Voilà, c'est super. Mais quant à la distribution des rôles, il y en a qui ont plus des têtes que. Enfin, tu peux pas le mettre à un guerrier, un mec qui a une tête de druide, quoi. Mais pour l'instant, on parle que d'un film, mais est-ce que. Parce que c'est à la mode, est-ce qu'il y aurait une. Alors, je parlais de relations humaines entre. Enfin, relations amoureuses entre une humaine et un orque. Et nous avons donc Dominic Cooper, qui est membre du casting. Dixit, Dominic Cooper, il y a une histoire très humaine au cœur du film, car les races humains se retrouvent devant des problèmes qui existent dans le monde actuel. Oh non, Fukushima. Je sais pas. En ce moment, ça arrive partout dans le monde. On ne peut pas le nier. Les gens saccagent leur propre monde et leur propre environnement. Ils doivent trouver un nouvel endroit où s'installer. Ouais, on peut imaginer qu'il y aura une espèce d'invention du racisme même. Voilà, les humains, les orques qui se détestent juste pour une question de couleur de peau. Voilà, c'est le problème. Les orques qui font la quenelle devant les châteaux humains. c'est pas chacun y verra. Avec des screenshots. Enfin bon. Et pour, je pense pas que ça soit pour nous attirer, mais il nous précise que c'est poignant à raconter, cela fait écho à la vie quotidienne, je pense que ça mérite donc d'être raconté. Je pense qu'effectivement, j'irai voir le film Warcraft, parce que ça fera écho à ma vie quotidienne. Absolument, je pense qu'effectivement, j'y trouverai des solutions pour moi. Mais bien sûr, il y a raison. C'est qui ce gars-là? Dominic Cooper, je suis la vraie, hein, mais. Il n'a pas dit qu'il y a autant de morale que dans les musiques à Mr. T non plus jusque-là. Non. Quand je veux des solutions à mes problèmes quotidiens, j'écoute Mr. T. Qui me donne une solution. Mais non, tiens, voir. Non, ne parle pas aux étrangers, et je vais pas aller voir le film de Warcraft pour avoir des solutions à mes problèmes quotidiens non plus. Voilà, écoute. J'écoute, j'entends les premières notes, voilà, je suis apaisé tout de suite. Ne parle pas aux inconnus. Mr. T. Bon, pour que j'aille voir le film Warcraft, faut qu'il y ait Mr. T dedans. C'est vrai qu'ils auraient dû penser faire une petite apparition de Chuck. Un vieux sage. Tous ceux qui ont participé à la pub, faire au moins un caméo. Bon, ça coûte très cher. Ça coûterait très cher. Je suis pas fait, ça coûterait très cher. Je crois que tu reconnais pas Mr. T. On vient de cramer la moitié du budget là en ramenant Chuck Norris juste pour 2 minutes de scène. Même quand il chante pas, il y a déjà la morale. C'est vrai. C'est... Les paroliers peuvent aller se rhabiller là. Ouais. C'est la première fois que j'ai entendu cette chanson, mais ça a changé ma vie. Je n'ai plus parlé à personne. J'ai trouvé mes réponses. Ouais, c'est ça. Enfin, je dois prendre une décision de ma vie, que ferait Mr. T à ma place? Et toi, à quoi tu joues? Ou pas. Et toi, à quoi tu joues? Hearthstone. Ah. Toi qui n'as pas fait la pub, je joue pas. Please be careful. Ah, on n'écoute pas ses conseils, parce que là on fait un podcast, on parle d'être inconnu. Et oui. Mais ouais, je coupe la musique ou le micro. La porte est fermée, donc fermée, elle est verrouillée. Pour les sous-titres pour le podcast. En une chanson, résumé 5 ans d'éducation. Ok. Alors je me demande s'ils vont pas faire une petite erreur avec Warcraft le film, parce que les dernières adaptations qu'on a eues de ça, c'était vraiment ça voulait assez bas. Il y a... Blizzard faire des erreurs, non. Est-ce que c'est eux qui, parce que eux, ça tombe, ont vendu le produit Blizzard, la licence. Je sais pas à quel point ils sont impliqués entre Blizzard et... Parce qu'à un moment, Blizzard est détenu par Universal. Mais maintenant, c'est plus le cas. Je crois qu'Universal a revendu Blizzard. Je ne sais même pas qui appartient à Blizzard maintenant. Mais je me demande s'ils vont mettre leurs mains dans ça. Enfin, quand je vois que ça va être une histoire d'amour... Ouh là là, tout à l'heure, mon avis, ils ont commencé le tournage, je ne sais même pas s'ils savent de quoi ça parle. Bah, le gars a lu le script et oui, bah bon, les trucs qu'il a fait, il est sorti. Les acteurs américains, on leur donne un script et voilà. Puis les films changent tellement, les producteurs passent par là, les films changent tellement entre le début de tournage et la fin que... C'est pas faux. Vivement la bande-annonce. Donc la plus grande peur des fans, c'est bien sûr de se retrouver avec une sorte de Final Fantasy, un Dead or Alive ou un Resident Evil. Ah, s'ils sont déçus, ben ils retourneront jouer au jeu, peut-être. On sait pas. Voilà, c'est là-dessus qu'on me dit. Il y a pas mal des adaptations de jeux. De plus en plus ces dernières années. Il y avait Dragon Ball, Tekken. Oh, moi je me souviens d'un Dragon Ball que tu nous as ramené. Oui, mais bon, c'est pas un jeu vidéo à la base non plus, quoi. Non, les adaptations. Bah, Resident Evil, je pense que c'est peut-être ce qui a fait le plus de succès. Alors, j'ai eu le malheur de voir le dernier. Ah oui. J'ai de la chance de ne pas voir le premier. Non, voir aucun, en fait. Tomb Raider. Alors, on va pas commencer à citer toutes les adaptations en jeux vidéo en film. Alors, après, on va faire une émission là-dessus. Le premier du genre, ça serait Tron. Tron. Ah, c'est compliqué parce que c'était un film sur le monde du jeu vidéo. Mais c'était pas un jeu vidéo adapté en film. Par contre, le film lui-même allait adapter en jeu vidéo, oui. Ça, c'est vrai. Bon, Dungeon Siege, on va oublier parce que personne connaît, très peu tout le monde connaît le jeu. Mais le film, et personne ne l'a vu parce qu'il est sorti directement en DVD. Direct to DVD, comme on dit. Je pense que ouais, le plus connu, c'est Tomb Raider, quand même. Mais le jeu vidéo lui-même, Tomb Raider, était déjà presque tourné comme un film interactif. Donc, c'est difficile de pas faire le saut, quoi. Un peu comme ils ont enchaîné sur Prince of Persia après. Ouais, Prince of Persia, vas-y, content. Ouais, donc c'est ce que je voyais en 82, ils avaient... Tron, c'était un de mes jeux préférés à l'époque. Hein. Je sais pas, moi j'ai vu le film au cinéma. Le jeu avec les bagnoles, ouais, c'est ça. Crossé, toujours. Tous ceux qui ont un téléphone portable peuvent trouver des tas d'applications. Tron. Le deuxième film, par contre, lui, était réussi de Tron. Le deux ? Mais le premier était réussi, je comprends pas. J'adorais. Mais bon. Le deuxième, je l'ai vu. Et j'ai même vu la parodie de South Park qu'ils ont fait sur Tron également. Et même la musique était excellente. Ils sont faits par Daft Punk. Et il y a même une série. Il y a une série. Je crois que ça va être une série animée. Je ne sais pas quoi, basée sur Tron. C'est Tron Legacy. Sinon, Warcraft. Il y a des choses que tu as envie d'ajouter sur ce magnifique film qui va arriver. Bon, très prochainement. On aura les premières images, mais pour de vrai. Parce que là, pour l'instant, on est un peu sur notre fin, quoi. Même si on a lâché un peu Warcraft, tous les gens qui ont au moins joué à Warcraft savent que c'est un univers tellement riche qu'on verra ce que ça donne. Quelquefois, j'ai envie d'oublier que j'ai joué à World of Warcraft. C'est bizarre. Hein. Ça va, on a passé des bons moments quand même. Oui, je me souviens des bons moments qu'on passait où tu nous faisais des petites potions de... c'était pas du... J'ai joué à World of Warcraft pour pas mourir idiot. J'ai arrêté de jouer à World of Warcraft pour pas vivre idiot. Ça, c'est... Voilà. C'est ce que je dis toujours aux gens qui me posent la question. Voilà. C'est Mr. Fee qui t'a appris ça. Voilà. Une bonne devise. Normalement, on devait avoir des petites vraies actualités musicales, mais est-ce qu'on devrait passer tout de suite les gros de ce moment? C'est vraiment une découverte, je ne sais pas. Bon, on en parle un peu moins maintenant, mais c'est toujours plaisir de le réécouter. Après, pour être honnête, moi, notre Marc Gromley, qu'on écoutera peut-être une prochaine fois, peut-être là, mais je me demande si ça fait pas trop Mr. T, Marc Gromley. C'est un peu mettre comme deux mecs super costauds dans une toute petite pièce. C'est pas faux. Bon, un mec super costaud et un mec costaud. Autre petite news que j'ai pu piocher, on va rester toujours dans l'univers film, J'ai vu que Hayao Miyazaki allait faire son dernier film. Encore ? Encore ? Ah oui, le fameux... J'ai même entendu une rubrique à la radio tout à l'heure qui parlait le dernier film de Hayao Miyazaki, à tous les sens du terme. Oui, oui, pour la cinquième fois, tout au moins. C'était en quelle année qu'il a dit qu'il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière ? Sûrement. Il y a 10 ans au moins. Après qu'il a fait son premier film, en 79. Ah, c'est peut-être un coup marketing. Il devrait travailler pour Blizzard. Ils sont très forts au niveau marketing aussi. Alors, c'est mon dernier film. S'ils pouvaient nous dire, c'est leur dernier jeu. Ça me fait penser que j'ai même pas le nom de ce film. Film, il y a vent dedans. Pas le vent dans les voiles. Non, je sais pas. J'en ai entendu parler. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de Miyazaki. Oh, j'en ai beaucoup. Depuis qu'il a dit que c'était son dernier film. Le vent se lève. Ah, j'étais pas loin. J'ai vu son dernier film. Enfin, ce qui était censé être la première fois son dernier film. C'était lequel ? Aucune idée. Bah moi, il y a les derniers films qu'il a fait que malheureusement j'ai pas suivi. Pareil. Alors que j'étais fan inconditionnel à l'époque. Je pense que je les reverrai peut-être plus tard, avec plaisir. Oh. Mais surtout que les derniers, en fait, ils coopéraient, voire il était même pas derrière. Hein. Il mettait ça sur le label Ghibli. Et en fin de compte, lui, il mettait vraiment pas sa patte dedans. Donc, Hayao Miyazaki, pour ceux à qui cela n'évoque rien, c'est Porco Rosso, Princesse Mononoke, Mon Voisin Totoro et même Le Voyage de Chihiro. Et apparemment, dans ce nouveau film, on va quitter l'univers fantastique et on va plus ou moins rejoindre les petits problèmes de la vie quotidienne. Oh non, pas comme dans Warcraft. Eh ben voilà. Oh non. Quoi, Mr. T dans un film de Miyazaki ? Mais tout va bien. Tout va bien. Ah, il devrait arrêter le tournage de Warcraft. Hein, Miyazaki va faire la même chose. Rassembler les deux films. Est-ce que si Miyazaki faisait le film de Warcraft, en animation, ça pourrait être sympa, mais bon. On serait sûr d'avoir un résultat peut-être potable. Ça serait rigolo. Qui sait. Donc apparemment, dans ce nouveau film, on va retrouver plusieurs éléments autobiographiques de Miyazaki, bien sûr, qui fait des références par rapport au père, au niveau de la famille. Ça serait un film qui risque d'être moins accessible au grand public. Ça me fait penser un peu au Tombeau des Lucioles. Tout est assez bien. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, je crois. Ouais. À mon avis, ils vont nous faire le même type. C'est avec ça que j'ai pensé tout de suite en entendant les références des critiques. Quoi. Pourtant, les derniers, c'était vraiment axé pour les... Enfin, c'était grand public, mais c'était pour les enfants, tout ça. Quoi. Je pense à Ponyo. C'est un public vaste, mais bon, en plus pour les jeunes aussi. Hein. Mais est-ce que toi, tu l'as regardé, tu l'as apprécié, toi ? Bah, moi, tous les Miyazaki, même les derniers, je les apprécie. Ils sont vraiment sympas. Il y a eu la Colline de Coquelicot que j'ai découvert, qui est pas mal. C'est tous différents, ça porte sur des sujets différents aussi, mais c'est vraiment un plaisir à regarder. Je veux dire, il y a Château dans le ciel, Château ambulant, il y en a tellement, et c'est différents genres. On a tous son préféré, en fonction de l'histoire, mais... Après, nous, on regarde les films Miyazaki, on veut surtout écouter la musique derrière. C'est vrai qu'on... C'est toujours Joe Hisaishi qui fait la musique. Je pense qu'il est abonné à vie. Hein. Il a un contrat. Hein. Dès que Ghibli sort un film, il doit faire les musiques. Il arrête dès que c'est son dernier film. Voilà. C'est écrit sur son contrat, tu dois faire le film jusqu'au dernier. Oh là là. Et Joe Hisaishi qu'on avait été voir en concert, notamment à Paris. Mm. Magnifique concert qui reprenait un peu celui qui avait été fait au Japon justement pour célébrer l'anniversaire de Ghibli, un concert caritatif comme tu dis. Et tout était génial, mais il y avait un petit défaut qui mine de rien gâchait un peu le paysage quoi. C'est un peu comme si le mec qui met son doigt devant une photo, ouais, tu vois, je vois. Là, t'as un gros truc noir comme ça. Un petit défaut. Comme que ce soit l'orchestre, la chorale, tout venait de France. Donc les textes avait été traduit en conséquence. Ah, sympa. Non, pas vraiment sympa. Oui, c'est ironique, vraiment sympa. Aïe. C'est comme si t'allais voir un concert de Mr. T, une chorale française ne parle pas aux étrangers. Non, j'ai quelques mauvais souvenirs. Et des bons, hein, surtout des bons. Mais quand même. C'est vrai que dans l'ensemble, c'était bien. Après, c'était pas un spécial Ghibli comme on avait eu dans le live qu'on peut voir. Là, il y avait du Summer, hein, c'est quoi le réalisateur, Kitano. Pas Kitano, je vais chef les musiques pour Miyazaki et pour Kitano, principalement. Ouais. La version de Summer. Quelquefois, je me demande si c'est pas lui qui apporte le succès, tu vois. Peut-être. Non, ça fait partie, forcément. Il travaille toujours en étroite coopération avec ses réalisateurs. Mais il y avait aussi également un film en noir et blanc lors du concert. Puisque lorsqu'on voit un concert de Miyazaki, on a toujours une grande, une sorte de toile de cinéma derrière, sur laquelle on s'acronise. Burton, non, Keaton, comment il s'appelle ? Buster Keaton ? Buster Keaton, voilà. Et j'ai regardé qu'ils sont vraiment sympas. Ah, bon, ça date un peu, mais... Buster Keaton, c'est une référence, c'est l'homme qui ne sourit jamais. Pour ceux qui connaissent, les débuts du cinéma peut-être pas, mais tous les fameux comiques du cinéma, comme Charlot, Harold Lloyd et compagnie, les comiques du cinéma. Et Buster Keaton, il était connu comme l'homme qui ne sourit jamais. C'est bon à savoir. Enfin, après, moi, je me souviens que j'avais regardé le jour du concert, voilà, j'étais un peu dans une euphorie, Joe Hisaishi, et on me fout un film en noir et blanc à un moment, et je me dis, merde, je sais pas, moi, passe-moi un truc que je connais, là. Kids Return. Non, pas, bah non, dommage. Mais bon, c'était fort appréciable quand même. Mais il n'est pas venu souvent en France. Il est venu c'était fois, sa première fois. Non, il n'est pas venu en Belgique aussi. C'est vrai je crois, mais c'est... Non, on l'a loupé en Belgique. Bon, on le verra un jour, sûrement une Japan Expo. Il fera un petit truc. En parlant de Japan Expo, j'ai vu que cette année, ils vont séparer les deux. Exact. Les deux festivals. Avant, on avait Japan Expo et Comic-Con. Et maintenant, ça va être qu'une seule partie. Ouais. Alors, j'ai un petit peu peur pour le Comic-Con, moi, personnellement. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Là quand on s'inscrivait soit Japan Expo, soit Comic-Con, en fait, les deux festivals étaient liés dans deux salles qui communiquaient. Donc, les gens passaient de l'un à l'autre, pas de problème. Nous, quand on y allait, je pense qu'on a plus participé au Comic-Con. Ouais. Mais bon, heureusement aussi qu'il y avait Japan Expo qui était ouvert, on a pu voir plein de choses aussi. Hein. C'était un peu la détente, quoi. Comic-Con, on faisait toutes les activités qu'on avait envie de faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de public qui venait pour Japan Expo, qui en a profité. Enfin, on avait du mal à faire la différence entre les deux, quoi. Comic-Con, c'était aussi tout ce qui est jeux vidéo et compagnie, toutes les web-séries, etc. Donc je pense, à mon avis, qu'il y avait plus de monde pour la Japan Expo que pour la Comic-Con. Non, je sais. Tu as peur qu'il n'y ait plus de cosplay. Non, ça ne marche pas. Il y aura toujours Mario au parking. Il y aura des free eggs. Enfin, les free eggs, c'est la play, mais bon. Mais je pense que, on avait passé 70% du temps, 60%... On y allait principalement, je pense, pour le Comic-Con. Ouais, en plus, c'est pas compliqué. Moi, j'ai dépensé un peu d'argent. C'est que dans la partie Japan Expo. Là, ils vont séparer, faire deux événements séparés, peut-être sûrement à des dates séparées aussi. Comic-Con. Je pense aussi, ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de monde. Les locaux seront plus grands pour le... Moi, c'est simple. Hein. Moi, si j'ai le choix, je vais à la Comic-Con. Moi aussi. Mais... Donc, je me dis... Oui. Parce que Japan Expo, mine de rien, mais c'est bien pour découvrir des choses, mais... Ouais, parce qu'en France, le marché manga, otaku et compagnie, il y a beaucoup... Il y a longtemps que j'ai malheureusement quitté un peu l'univers animé, etc. Après, c'est vrai que quand je revois des vieilles séries que j'ai vues, je suis super content. Et puis la culture japonaise, Faut voir comment ils séparent vraiment. Parce que par exemple, il y avait beaucoup de jeux vidéo. Alors, il y avait des jeux vidéo dans la partie Japan Expo, des jeux vidéo dans la partie Comic-Con. C'était pas le même genre de jeux vidéo en plus. C'était peut-être plus console côté Japan Expo et PC... côté Comic-Con, mais il faut voir si... Parce que là, les gens, avec un seul billet, avec CO2. Un seul billet et un seul trajet. Donc les gens qui venaient de toute la France pour venir dans la région parisienne, dépensaient un seul trajet et un seul billet pour voir tout. Est-ce qu'ils seront d'accord pour voir si c'est à deux dates séparées, aller une fois pour la Japan Expo sur quelques jours, et y retourner une fois pour la Comic-Con? Je suis pas certain. Donc, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que généralement, quand on parle de cet événement, on parle de Japan Expo. C'est ça. La Comic-Con est entre parenthèses bientôt, hein. Quand t'achètes ton ticket, là, j'ai compris. J'avais des doutes jamais jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut avoir accès aux deux salons? Oui, en fait, on a accès aux deux salons. C'est vraiment, il y a même un site internet qui est un peu mutualisé entre les deux, donc c'est pas évident. Je suis pas sûr que les gens aillent aux deux. Puis les grosses. Je pense qu'ils pouvaient plus accueillir autant de monde. Ils arrivaient, à mon avis, ils commençaient à plus pouvoir gérer tout ça. Ils arrivent à gérer encore à peu près, mais. Parce que nous, on y allait du vendredi. Il y a plus en plus de monde à chaque fois. En pleine semaine, oui. Jeudi. On avait été jeudi. Donc pas le week-end. C'était là où il est censé avoir le moins de monde, et tout compte fait. C'est vrai que nous on était tranquilles. On a pu profiter quand même. On a pu profiter. L'année d'avant on avait été le samedi. J'ai des retours de gens qui sont allés le week-end, c'est impossible. Bah nous on y était, hein. C'était une épreuve d'endurance totale. Ouais, c'est clair. Tu t'assois jamais, t'es toujours debout. En plus, t'es toujours en train de faire la queue. D'un point de vue public, mais même d'un point de vue stand, les gens qui tiennent les stands sont beaucoup plus frais le jeudi, ils sont disponibles, etc. J'imagine que le dimanche après-midi, ils doivent être complètement cassés. Nous, on voulait voir des gens, je crois qu'on n'a vu personne. Alors que jeudi, je voulais voir un peu toute la troupe de France 5, de Noob, etc. Je les ai tous vus. Oui. Même ceux que tu ne voulais pas voir, tu les as vus. C'est fou, hein. On est tombé sur des gens, t'étais là, toi, tu veux pas faire une photo, Schling? Pourquoi tu m'as mis ton magazine devant? Non, j'avais ma liste, et en guest star, vraiment le bonus où je me disais, je vais verser une larme, si je vois Alex Pilote, les Bitomans, etc. Et en partant, qui s'est contre. Ah là là. Dans le sursang de Game. C'était Game One, c'est ça? Ou No Life. Et je me souviens, il y avait toutes les présentatrices japonaises qui. T'avais les gens qui faisaient la queue pour signer un autographe. Mm-hmm. Et la nana, elle fait oh, donnez-moi votre papier. Je fais bah non, moi je vous connais pas. Je vous connais pas. Vous êtes qui? Voilà, c'est ça. Je veux voir Alex Pilote là. C'est ça. Donc à voir ce que ça va donner, mais bon. Petite pause musicale avec une découverte. Ce qui permet pour nous de faire une petite pause. Ouais. Sound City. That's it, man. Voilà, après cette belle musique, on va continuer sur les dernières actualités. Petite actualité qui a attiré mon regard, notamment en Angleterre. C'est un filtre anti-porno, attention, sujet peut-être délicat, qui bloque certains jeux vidéo et notamment League of Legends. Alors ce filtre a été mis en place sur... tous les providers du type d'accès anglais, O2, TokTok, BT, qui correspondent un peu aux Free, SFR, Orange et Bouygues de chez nous. Pour ne pas se fouler, je pense qu'ils ont bloqué certains noms au niveau des URL ou des fichiers qui pouvaient être échangés avec l'ordinateur. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des fichiers, par exemple, où il pourrait y avoir le mot SEX, ce qui est le cas dans League of Legends. On a deux fichiers qui contiennent ces trois lettres d'affilée, ce qui fait qu'ils sont bloqués par le navigateur. Impossibilité de jouer à League of Legends. C'est un peu embêtant. Quel dommage. Et pas qu'un peu. C'est vachement peur de League of Legends en passant. Hein. Or, plus cocasse, peut-être moins grave, mais illustrant parfaitement le souci, on voit donc l'accès interdit à certains sites du gouvernement et du Parlement. Ainsi qu'à ceux de certains hommes et femmes politiques. Alors ça me fait toujours un peu marrer. Nous, on a notre filtre. Parental. Voilà, contrôle parental. Alors, j'ai jamais essayé de l'activer, mais je sais que généralement, lorsque tu navigues, si vous n'arrivez pas à afficher cette page, essayez de désactiver votre filtre. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en Angleterre, il y a une région qui s'appelle le Sussex, par exemple. Tu es connu. Donc voilà, j'imagine banni. Que le site officiel de la région de Sussex doit être banni de tous les navigateurs anglais. Même la région. Hein. C'est embêtant. La région n'existe plus. Donc l'accès à rien. C'est un peu embêtant. Donc également, l'accès au site de la British Library a été bloqué. La National Library of Scotland et plusieurs organisations pour le droit des femmes. C'est ballot. Donc je pense que ça sera c'est un des gros flops de... au niveau anglais en ce moment. Un petit bug. D'être contre les violences domestiques. Je suis en détresse, vite. Non. Et vu qu'on parle de providers et notamment de blocage au niveau des navigateurs, il y a une récente étude qui est parue sur les derniers navigateurs. Les plus utilisés, ouais. Tout à fait. Et on voit que ça y est, Internet Explorer a enfin perdu sa médaille de premier explorateur de France. Or, je pense qu'il était le plus utilisé parce qu'il était surtout par défaut. Par défaut, ouais. Malheureusement. Et qui était dépassé par Google Chrome, qui fait une avancée cette année un peu spectaculaire. Et ce qui est le cas récemment. Vous utilisez quoi, vous, comme Firefox? Moi, j'utilise tout. J'utilise que Firefox, ouais. Firefox, pareil. Je voulais tellement pas utiliser Internet Explorer que quand j'ai installé mon PC, je l'ai désinstallé. J'ai voulu télécharger et je fais, mais comment je fais pour télécharger Firefox? Non, je vais pas l'utiliser, je m'en fous, je vais le télécharger chez quelqu'un d'autre, je le mets sur une clé, mais je l'utilise pas. Exactement. Non, moi je l'utilise tout, je pense que... Firefox principalement pour mes sites, mais j'utilise Google Chrome pour le travail, mais aussi des clones de Google Chrome, comme Iron, où ça existe des versions free de Google Chrome qui ont été modifiées par des développeurs, Iron, Chromium et compagnie, pour d'autres sites, pour d'autres comptes. Parce que... Non, je sais pas s'ils sont comptabilisés dedans, mais je suppose que oui. Quand tu dis des versions free, mais... C'est des versions... Chrome est gratuit, mais ouais. Il est quand même lié à Google. Il y a des versions... En open source. Voilà, c'est ça, qui sont reprises par développeurs. Non, moi, j'ai toujours été plus ou moins Firefox. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, mais si tu utilises bien Google, tout ce qui est Google Docs, etc., vaut mieux privilégier Chrome. » Pour mon compte Gmail, comme j'ai un téléphone Android, j'utilise Gmail. Et donc, sur mon compte Chrome, j'ai tout mon compte Gmail, etc., avec mes Google Drive et compagnie, et voilà. Un joli son de bière au pain d'épices. Je pense qu'il y a aussi Safari qui fait une évolution... C'est le navigateur Apple, oui. Voilà. Mais je me demande si dans les Google Chrome, ils comptent aussi tous les navigateurs sur les téléphones Android, parce qu'il doit y avoir une version de Chrome qui est intégrée, donc est-ce que ça compte dedans? C'est compliqué, alors, étude. Parce que moi, j'utilise Internet Explorer, je l'utilise vraiment pour faire certains sites, pour tester, mais bon, c'est tout. Mais pas en tant qu'utilisateur court. Ouais, Internet Explorer, c'est un peu la solution de secours. Limite le test. Je n'ai pas Internet. Voilà. Bon, on va quand même tester avec le petit E pour bleu. Pour certains sites qui sont compatibles avec aucun autre, ça passe sous Internet Explorer. Mais je pense que Safari, c'est un peu comme Internet Explorer. On voit qu'il augmente au niveau de l'utilisation, mais je pense que c'est toujours par une utilisation par défaut qui est fait lors des ventes. Sur les téléphones Apple, iPhone, j'en ai pas, mais ça doit être considéré. Le navigateur qui est intégré, je suppose que c'est un Safari. Quand j'ai acheté mon Mac, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux installer Firefox? Normalement. C'est possible, mais après, il est toujours recommandé. Enfin, je dis ça, c'est valable peut-être pour le Mac, mais pas pour Windows. Mais pour le Mac, il vaut mieux utiliser peut-être le Safari qui est par défaut. Je pense. Et bien le configurer. vaut mieux avoir un navigateur qu'on utilise, parce que Firefox, je l'ai utilisé pendant des années, et il commence de plus en plus, je commence à plus en plus de le trouver lourd. Moi, j'ai toujours eu peur que ça soit Chrome qui soit lourd. Bah, le problème, c'est que maintenant, on achète un PC, on a 16 Go de RAM. on devient un peu faisant. C'est pas faux. Donc voilà, donc Google Chrome, le numéro 1 de nos navigateurs en France, qui est aujourd'hui à sa version 32. C'est terrible. Internet Explorer n'est toutefois pas le seul à régresser. On voit que Firefox, qui était longtemps le challenger numéro 1 de Microsoft, bah, souffre lui d'une explosion suite à la montée de Chrome. Et voilà, donc autre news que j'ai pu remarquer, alors je pense pas que ça soit au niveau français mais plus au niveau international, ce sont les 25 pires mots de passe. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes depuis des années. Eh ben, ça change oui, pas. Mais il se trouve que notre mot de passe, le pire qui était pendant plusieurs années, qui est Password, très original, a été détrôné par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors félicitations à notre nouveau mot de passe qui rejoint le top 1. Or, dans cette liste de passwords, donc on a, enfin de mots de passe, pardon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en première place, Password en deuxième. En troisième place, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est pas étonnant parce 7, que 8. Beaucoup de sites internet réclament un mot de passe d'une longueur minimum de 8 caractères. Avec du un coup, chiffre. Je pense que ça a dû faire un choc. Bien pouvoir un choc à beaucoup de gens qui avaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Voilà. Ils font donc upgrader leur niveau de sécurité 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Je pense que ça a été une révolution pour beaucoup d'employés de bureau. On a également QWERTY, le mot de passe qu'on peut taper avec un doigt en traçant une ligne sur son clavier. ABC 1, 2, 3 en 5ème place. On retrouve des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mais ça, c'est les punks, ça. 9 caractères. Voilà. Que des 1. Les rebelles. I love you en 9ème place. Ah, intéressant. C'est original. Alors, celui qui m'a un peu surpris, c'est en numéro 10, Adobe 1, 2, 3. Adobe. Mmh. Adobe 1, 2, 3. Alors, surprenant, mais aussi, ça explique pourquoi 2 millions 9 comptes Adobe ont été piratés cette année, à cause du mot de passe Adobe 1, 2, 3, et Photoshop également, à cause du mot de passe Photoshop. Donc, à savoir que si vous êtes en manque d'inspiration, il existe plusieurs solutions. En chaque toi, tu m'avais parlé d'une solution où on choisissait un mot de passe, et selon le site, il adaptait. Il y a des logiciels et des sites internet qui gèrent un mot de passe pour vous. Et qui les gèrent. Voilà, donc vous avez un mot de passe global, que le logiciel connaît. Et pour chacune des sites internet, adresse email, jeux vidéo, etc. que vous connaissez, vous entrez votre mot de passe global, vous entrez le nom du jeu vidéo par exemple, et il vous donne il gère votre mot de passe. Comme ça, vous n'avez pas besoin de garder des dizaines de mots de passe différents en mémoire. Vous gardez juste votre nom global, le nom de l'application que vous utilisez, l'adresse email ou le site internet, et ça vous donne le mot de passe. Voilà. Donc vous n'avez même pas à retenir votre mot de passe. Vous les retrouvez à chaque fois instantanément grâce soit au logiciel ou au site internet. C'est un peu bizarre, enfin, je veux dire, pour les gens qui hackent les comptes, enfin, ils n'ont plus qu'à hacker un seul compte pour en avoir 40. Ou... Ah bah oui, c'est sûr que le mot de passe global, faut pas l'oublier, c'est le bah, au moins vous n'avez qu'à retenir, quoi. Mais il suffit de trouver quelque chose de difficile. Mais si on craque celui-là, on a accès aux autres, quoi. Bah, il faut déjà réussir à le craquer. C'est la crainte principale, hein. C'est que comme ces mots de passe sont stockés plus ou moins en ligne, il y a quand même toujours une crainte. Il n'y a pas de vrai, ok, de faille quoi. Après, il faut pas se cacher quoi. La majorité des gens utilisent le même mot de passe. La plupart du temps, le même mot de passe pour tous leurs services différents et n'en change jamais. Moi, par exemple, je suis pas paranoïaque, mais je peux changer de mot de passe tous les mois, par exemple. C'est pas gênant puisque les mots de passe, ils sont calculés automatiquement par un logiciel. Donc, après, je me dis, eux ne stockent qu'un seul mot de passe. Après, ils génèrent avec un algorithme, ils génèrent le mot de passe. Donc à moins de connaître l'algorithme derrière... Même en connaissant l'algorithme, c'est des calculs tellement compliqués, il faudrait des mois pour retrouver le mot de passe original. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le conseil général pour les mots de passe, c'est même un mot de passe qui ne contient que des mots ou des lettres ou un mot de passe tout simple, ce qui compte c'est la longueur du mot de passe. Parce que les hackers utilisent des outils de force brute, de calcul, qui essayent toutes les combinaisons possibles, en gros, pour simplifier. Donc plus le mot de passe est long, plus ça va prendre de temps à tester. Donc vaut mieux un mot de passe qui ne contienne que des caractères de lettres très simples, mais qui soit le plus long possible. je sais pas, par exemple, on peut mettre un proverbe, mieux vous, je sais pas, n'importe quel proverbe, une chanson, ou même un titre de chanson que vous aimez bien, ou la première chanson de la première phrase du refrain d'une chanson que vous aimez bien, vous mettez toutes les lettres comme ça, il suffit que ça soit suffisamment long, vous la retenez facilement, et voilà. Don't talk to strangers. Par exemple, au hasard, une chanson de Mr. T fera très bien l'affaire. Ah merde, vous venez de dévoiler mon mot de passe. Ah, hein. J'ai plus qu'à changer. Faut en changer. Donc comme logiciel qui propose ses services, on a générateur de mots de passe ou encore ma horde. Il y en a tellement que... Ce qui m'étonne, c'est de ne pas voir Aze dans le classement. Parce que moi, c'est assez souvent les mots de passe bidons. Bon, Aze s'il y a 8 caractères minimum. Mais... En numéro 14, on a Let Me In. Bizarre. Pourquoi pas? Ça révèle bien des choses sur notre civilisation. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres news que vous souhaitiez partager? Il y a des news qu'on n'a pas le droit de parler. Donc, est-ce que tu parles de certaines personnes qui ont eu la chance d'accéder à une bêta-test du nouveau Elder Scrolls Online? Exactement. Oh, que des chanceux. J'aurais tellement aimé être dans leur rang. C'est vrai, moi aussi. Ouais, ouais, mais même si jamais par hasard on en avait partie, on n'aurait même pas le droit d'en parler. Ah, ça serait dommage. Absolument. On peut parler. Après, j'ai vu des images sur leur site. Création de personnages, vraiment. C'est vrai, mais c'est des images officielles, donc ça, on a le droit d'en parler. Il y a pas mal de sujets qu'ils ont sortis, mais ils s'amusent à faire des questions des développeurs auxquelles les joueurs répondent. La dernière, c'était: quels sont les 3 objets que vous emporteriez dans une aventure Elder Scrolls Online? Une carte au trésor. J'ai mis mon clavier, ma souris et ma tour. C'est tout ce qui me suffit. Bon. C'est dommage, t'as plus le modem. Une petite musique pour se quitter. Un petit No Dope, No Drugs. Sachant qu'en, bien sûr, en France, on ne se drogue pas. Il y a toujours ce côté 80s qui ressort. Là, quand hein. Même. Oh, la puissance du son, quand même. Quand même qu'un générique de Star Wars. Comment si Star Wars ne s'inspire pas de la musique de Star Wars? Alors d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du film Warcraft. En fait, il a été décalé puisqu'il va avoir une nouvelle saga Star Wars, ça parle. La fameuse chez Disney. Mon Dieu. Produit par Blizzard ou... Pour les puristes, il n'y a qu'une seule saga Star Wars. Ouais. Les épisodes 1, 2, 3 n'existent pas. Quant aux épisodes 7, 8, 9, on verra. Ils sont pas encore là, mais... Ça fait un peu peur, hein. Donc sachant que même si c'est produit par Disney, Blizzard a eu peur. Du coup, il n'y aura pas de sortie. Ils ont décalé le tournage, je pense. Hein, tout simplement. No drugs. Il suffirait de passer cette musique avec des haut-parleurs très puissants dans les cités de banlieue pour que les gens arrêtent de droguer. Ah, Mr. T qui parle, c'est tout, quoi. Un peu partout, hein, pas forcément dans la banlieue, hein, dans les hautes sphères aussi. On attend le prochain remaniement du gouvernement pour Mr. T. Non, je sais pas. Le ministère de l'Intérieur. Enfin, heureusement que la France ne se drogue pas. Heureusement qu'en France, on se drogue pas. Ça sera le fil rouge de la prochaine émission. Un petit teaser, c'est ça. Un teaser pour la prochaine émission. Mais non, je sais pas si t'as vu le film Idiocratie. En fait, c'est deux personnes qui sont congelées, qui se retrouvent dans le futur. Mais le problème, c'est qu'ils expliquent comme les mecs intelligents, ils sont assez intelligents pour pas faire de gamins, et c'est les cons qui en font. Mmh. À la fin, on se retrouve qu'avec des cons et ils deviennent de plus en plus cons. Et à la fin, ça devient carrément un carnage et t'as une sorte d'acteur américain un peu style Mr. T qui devient président de la République et en a strictement rien à foutre. Ça me fait toujours un peu penser à ça. Mais ça arrivait avec Reagan. C'est un acteur à la base. Ouais, et on a Stallone, hein. Non, Schwarzenegger. Oh là, autant pour moi. Pas encore Stallone. Non, Stallone est remonté sur le ring. Avec De Niro. Il faut payer des impôts, c'est ça. Mais il y a un autre film qui est sorti un peu tout ça. Non, mais attention. Quand c'est moi, c'est pas de synthé quand même. Solo de synthé. De nos jours, on fait tout ça. Ouais. Je peux penser à Street of Rage, super. Oh non. Non. On va faire un feat pour la prochaine fois entre No Dope, No Drugs. La transition, on va pas être facile. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas. Bon, c'est dommage, on parlera pas de mon activité sur le porno des monstres. Mais c'est pas grave, on regardera ça peut-être pour une autre fois. Prise par le T-Rex. Non, une autre fois. Mon amant la licorne. Non, on parlera une autre fois. J'ai tellement bossé le sujet. On fera un podcast spécial. Vidéo. Ou pas. Belle musique. On se retrouve donc dans moins d'un mois pour le prochain épisode de l'Another Podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Et pas de drogue. No dope, no drug.